Ça, c'est bien bien qu'un caladien raide son bazote. Mon pave, mais laissons moi quand même bail en la rire là. Mais si on te sauve, wa al pa. C'est ça, wa al pa. Pouti ni tout ça, wa al pa. Ça, wa al pa. Wa al pa. Wa al pa. Si d'autres honnêtes en forme qui. Wa al pa. C'est même pas en forme, c'est un wa al pa. Non, y'a la Facebook, c'est wa al pa. C'est un wa al pa. Qui est wa al pa. Si d'autres honnêtes en forme qui. Wa al pa. C'est même pas en forme, c'est un wa al pa. Non, y'a la Facebook, c'est wa al pa. C'est un wa al pa. Aujourd'hui, plus rien ne me choque. En la ria, ni femme tout niée, ni dans son chilote. C'est la mode, tout le monde se promène sans short. Si Régine t'a choqué, mais attends de voir Charlotte. Mon cas prend un par 10. C'est pour faire des kisses et c'est pour faire des vies. J'en connais une. Elle en a un, deux, trois en ville. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui se trouvent en commune. Wa al pa. Si d'autres honnêtes en femme qui. Wa al pa. C'est même pas en forme, c'est un wa al pa. Non, y'a la Facebook, c'est wa al pa. C'est un wa al pa. Qui est wa al pa. Si d'autres honnêtes en femme qui. Wa al pa. C'est même pas en forme, c'est un wa al pa. Non, y'a la Facebook, c'est wa al pa. C'est un wa al pa. Mais à dans l'eau. C'est pas toute femme qui chatte, faut pas autre confondre un ken et puis un soda. Pas s'abus de soda, cabazote mal boudin, mais abus un ken qui a fait du bien. Un ken qui a faux fly sans elle, con débrouillard. Manque à fuck, tout ça qui. Wa al pa. Si d'autres honnêtes en forme qui. Wa al pa. C'est même pas en forme, c'est un wa al pa. Non, y'a la Facebook, c'est wa al pa. C'est un wa al pa. Qui est wa al pa. Si d'autres honnêtes en forme qui. Wa al pa. C'est même pas en forme, c'est un wa al pa. Non, y'a la Facebook, c'est wa al pa. C'est un wa al pa. Parce que moi, connais trop femme qui wa al pa. Moi, t'es obligé, j'ai senti son baillot. T'as assez battu. Wa al pa. Ok, t'as ce baby qui a une caladure red, son bazot. T'as déjà connaître. Et puis ouais, tout le monde n'a qu'à crier. Wa al pa.